Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après D-Fool, la nocturne 100% rap français pendant 2 heures. Et là, un grand plaisir. Ils sont passés cette semaine dans l'émission avec D-Seas entre 20 et 21. Ils sont de retour, venus faire un petit clin d'œil avant de repartir pour Marseille. Yes. Nos amis de Révolution Urbaine, comment va? Ça va, comment va la rue? On est là. En pleine forme, ce petit séjour parisien bien passé. Cool. Il a fait beau, ça va. Vous languissez pas trop de Marseille? Non, ça va, on aime bien Paris aussi. Vous avez suivi le tirage au sort de la Champions League? Chelsea. Ça va être costaud. Vous n'avez pas de télé. Non mais ça va, c'était pas le pire tirage qu'il y avait. Qui pouvait avoir, ouais. Qu'est-ce que j'aime entendre les Marseillais parler du Paris Saint-Germain. C'est cool, vous avez une belle équipe. Non mais c'est bien parce que vous avez pris la confiance quand même. Là je vois à chaque fois qu'on arrive à Skyrock, vous envoyez des petits pics. Vite fait. On vous laisse, ça va. C'est de bonne guerre. Ouais. Attends, on s'en est tellement pris dans la gueule. Vous avez raison. Laissez-nous profiter un petit peu, les mecs. Une dédicace à Jamal. Ah, celui-ci, tu sais quoi? Je l'ai à l'œil, celui-ci. Je l'attends avec un. Qui continue à courir, tu vois. Qui continue à courir, j'attends avec impatience quand il passera par la radio. Il a tweeté comme quoi. Avant, il pouvait répondre. Pour faire une dédicace aussi à Pâté. Le foot, c'était mieux avant. C'est ça. Bon, comment ça se passe alors pour Révolution Urbaine? L'album arrive bientôt, là, hein? Le 5 mai. Premier extrait de l'album de Cheval de Troie. Ouais. Le premier extrait s'appelle La Provence. Et c'est un putain d'extrait, franchement. Merci. Bien décrit, justement, cette tension qu'il peut y avoir à Marseille, mais en même temps, en faisant un parallèle avec la façon dont les médias focalisent aussi sur Marseille, parfois un peu trop à l'extrême aussi. C'est raconté dans un morceau qui est dispo. On peut déjà le trouver, celui-ci. Hein. Ouais, c'est ça, sur Internet. On peut le récupérer sur YouTube, sur Internet. De partout. Et donc, l'album qui arrivera le 5 mai prochain, je crois que vous êtes venu avec une grosse exclue pour la nocturne. C'est ça. On va dire des exclus que pour toi. On va dire même deux grosses exclus. Ouais. Ça fait super plaisir. On va en parler dans un instant si vous voulez bien. Et pour ceux qui connaissent pas encore le morceau La Provence, on va débuter avec. Vous avez passé 15-20 minutes. On passe 15-20 minutes ensemble. Allez. Pour débuter la nocturne avec Révolution Urbaine et le morceau qui s'appelle La Provence. La lettre rap français. Yeah. Marseille, centre-ville. Révolution urbaine, Cheval de Troie, le 5 mai dans les bacs. Inch'Allah. Yeah. En route vers le progrès, une politique d'un autre âge, à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent c'est fastoche. Poum poum, un homme est mort pour une sacoche ou pire pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps mais tout le monde s'accroche. Ils montent au créneau une fois que le sang est propagé, mais les requins n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Ici on en a rien à foutre de leur ministère, plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. J'ai voulu planer, les stupéfiants sont prohibés. Alcool et suicide autorisés. La colombe est morte, il nous reste plus qu'à tout niquer. Étant donné qu'on rentrera pas tous dans leur comité. Vous êtes fous, devant qui vous prosternez-vous? Jeune mouton, le berger est pire que le loup. Tu votes à gauche, hein, t'es brave, t'es un rebelle. Avec ton smic, t'es un esclave moderne. Je m'en bats les couilles d'être sur la liste. Je fais juste le vrai travail d'un journaliste. Je dois taffer plus dur, je suis mal vu comme un salafiste. Ils n'auront pas de futur, mais ils pensent que c'est ça la vie. Ils parlent d'art, mais veulent savoir qui vendent le plus. Le savoir est une arme, ma culture vous tire dessus. Exilé partout, depuis l'apartheid. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. Celui qui braque taf à BNP. Ils font exploser l'audimat sur la TNT. Ils parlent de Marseille, mais n'y ont jamais mis un pied. Et y'a comme un goût de FN à l'UMP. Le bâton du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crachent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier. Pendant que ceux qui nous dirigent crient Ben Ali Boumaïe. Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, arme, arnaque, Dallas pute. Barrage, ham, ça gratte la carte à puce. On se croirait à Gaza en matant Canal Plus. Les mafias d'Asie, les bandes organisées. Les Roms veulent légaliser le vol d'organes, tu sais. Les skins et les nazis font leur bail discret. Le shit et l'extasy t'emmènent à Walt Disney. Les écrits des journalistes, tu glisses. Que si t'es Souraya Bon Ali, le fisc te surveille, demande à Mélanie. Ton fils sera victime d'une anomalie. Ouvre

cerné par les cowboys, cerné par l'insomnie. On n'est pas leur cobaye, arrêtons les singeries. Ils nous prennent pour des fous alliés. Parfois même disent qu'on est bon à rien. Ils mettront ton enfant dans un foyer. Et tu sais pertinemment que tu n'y pourras rien. Nos soucis prennent de l'épaisseur. On maigrit sous antidépresseurs. Marseille, révolution urbaine. Cheval de Troie. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air. L'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Habitué à morfler, la seringue traite des veines, peu importe le risque d'OD. Dans les bras de Morphée, mes rêves ont les mêmes thèmes, sous les torrents j'irai voguer. J'en ai déjà trop fait. C'est toujours les mêmes scènes et les chutes me font plus marrer. On se sent plus tombé. L'amour invite la haine dans des sauts de type endiablé. Ici tout ne tombe plus rond. Assez, oui assez. Des hommes se jettent sous les ponts. L'avenir est tracé. Devine qui tient le bâton et qui est sous les cartons. Gros ici c'est l'hécatombe. Quand les catacombes dévoileront leur tombe. Je vois la guerre depuis ma fenêtre. Attaché mes verres, pitoyable depuis le silex. Fausse impression de seul maître, complexé par un mal-être. Voilà donc on voit se perdre. Que Dieu pardonne mes réflexes. Mais pour le reste je m'inquiète. Marseille, cheval de Troie. Le 5 mai dans les bacs. Le bidon, yeah. Assis sur mon bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Assis sur un bidon d'essence, y'a de l'étincelle dans l'air, l'explosion sera immense. Vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Fais-je partie de tes rêves? Sais-tu mon existence? Yeah. Cheval de Troie, le 5 mai dans les bacs. Inch'Allah. Yeah. Skyrock, la nocturne. Marseille centre-ville. Street Skills. Blue Magic. Terrible ce live. Terrible ce morceau. Merci. Grosse exclue à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Le morceau s'appelle Le Bidon. C'est extrait de Cheval de Troie qui arrive donc le 5 mai prochain dans les bacs. Yeah, c'est ça. Et on exclut donc un peu plus d'un mois avant sa sortie. Petite venue rapide avant le retour sur Marseille de la révolution urbaine qui est là. Pendant quelques minutes encore. Donc on écoutait ce morceau qui figurera donc sur Cheval de Troie. Autre morceau maintenant. Vous allez nous faire en live Zubrovska. En rappeur, en rapport avec ce petit bidon aussi, pareil, les Zubrovska. C'est plus un constat. C'est plus un constat. Ouais, c'est plus un constat et c'est du ce qu'on appelle nous du vrai rap. Pour nous, Zubrovska, c'est du vrai rap. Comme Zubrovska, c'est de la vraie vodka. En live maintenant. C'est ça. Allez, Zubrovska. Révolution urbaine. C'est sur Skyrock. Cheval de Troie. Le monde part en couille, ils veulent tous se faire enculer. Michetonné par une poule ou cuisiné par un poulet. Elle te fait courir tout ça parce que t'es fou d'elle. Sache que pour un manteau de fourrure, elle pourrait se faire fourrer. Ton malheur fait le bonheur de ceux d'en face. Nos rappeurs, nos vies, je crois que tu confonds. Face aux flics, aux cifs, dis-moi que veux-tu qu'on fasse. Et pour le pédophile, le viol est un jeu d'enfant. Faut choisir entre rap et deal. À vrai dire, on est tous perdus depuis l'âge de la tétine. Ceux qui disent, n'en ont rien à foutre du marketing. Mino bracketing, change de chemise à la marketing. Yeah, tu oublies que tes parents d'aident. Moins de prix parce que t'atteins la quarantaine. Tout le temps, t'as l'air content et tu t'en contentes. Yeah. C'est l'avenir des autres que tu contemples. Bienvenue dans la ville où reconnaissent être calibré. Pas besoin de nous câliner. Ici c'est shoot star Hogan, père de Hogan. Et les corbeaux veillent sur Notre-Dame. Analysez, ma zone est balisée. Mon centre-ville est prêt à foutre la merde. Il y a des obstacles. Micro cosmos illégal. Dis-moi avec qui tu traînes, je dis par quoi t'es tenté. Opéra Ghost, Rideau. Impossible du marché à l'aise comme d'avoir les brigands. T'es armé, armé, dans ville, dans ville. Tiens nos cartes et suite ça kill, ça kill. Allez, allez, on débile. Tire en l'air si tu veux effrayer les oiseaux. Roule-toi par terre ou mets un coup d'épée dans l'eau. Le rap s'apprête à faire un truc légendaire. Dans 5 pigeons rap avec des grands-pères. Tu crois qu'on dort, mais bien sûr qu'on est là-bas. Des classiques, des métaphores et ta clique, on est d'accord. Tu veux jouer, t'es nul comme un bleu. Je te fous la honte et là tu t'arrêtes rouge comme un feu. À vrai dire, y'a personne qui nous fait peur. À part le bon Dieu, non personne qui nous fait peur. Un grain créateur, un brin fédérateur. Des jeunes rappeurs balayant les prédécesseurs. J'excelle dans ma discipline. Je te laisse les déficits, pour toi c'est difficile. Je m'en bats les couilles de dire ce qu'ils pensent tout bas. Je m'en bats les couilles que mon place c'est le même que Tupac. Marseille, synonyme de la ville rebelle. Ça passe la nuit en check ou dans les discothèques. Toujours un spliff au bec et des bouteilles qu'on pète. C'est la victoire qu'on fête. Même à 6h du mat, tu tous les jours en fumette. La concurrence est trop naze. Je vous aurais bien fumé, dommage. Et Jig sera le goma. Halloween du Mouet. Envoie la Zubrovska. Âme venue du Koweït. Cannabis du Rockman. Je les entends chuchoter. Où est la relève par les temps qui courent. Amenez-les, amenez-les moi. Allez au cheval de Troie. Halloween du Mouet. Envoie la Zubrovska. Âme venue du Koweït. Cannabis du Rockman. J'entends chuchoter, où est la relève par les temps qui courent. Amenez-les, amenez-les moi, alliés au cheval de Troie. Marseille, centre-ville. Et ben voilà un bel aperçu de ce qui vous attend le 5 mai dans les bacs avec donc voilà plein de prods différentes, plein de styles différents. Yes. La révolution urbaine va marquer donc cette année 2014 avec cet album qui sortira en tout cas, qui sortira le 5 mai. Merci d'être passé rapidement les gars. Merci hein. À toi de nous avoir invités. Ouais, toujours un grand plaisir. Petit message, petite dédicace. Allez-y, hein, c'est le moment où jamais de. Ben de moi déjà je vais faire une grosse dédicace à deux potos à moi qui sont rentrés en prison là il y a pas longtemps. Donc une grosse dédicace à François le Français et qui est Boubou d'Anville, Momo Esteban, on pense à vous, bientôt la sortie, Inch'Allah. Voilà. Et moi je voudrais dédicacer mon fils. Ah. Pardon. Tu allais envoyer le son avant. Ah ouais, pardon, moi je voudrais faire une grosse dédicace à mon fils, c'est son anniversaire là bientôt. Donc je lui fais un gros bisou. Et voilà, pour ses 5 ans, on va faire une grosse fête. Pâté, tout le monde, pâté, grosse dédicace à Kaïs. Amir, Fouet, toute l'équipe, Nabil Bou, bien entendu, toute la famille. François, Street Skills, tout le monde. Bon, et puis rappelez 2-3 trucs pour vous suivre, pour avoir des infos sur Révolution Urbaine. On va où ? Sur la page Facebook, ouais. Révolution Urbaine. Sur Facebook, tu tapes sur Révolution YouTube, Urbaine. YouTube, Révolution Urbaine TV. Vous retrouvez d'ailleurs les images des morceaux que qui a voulu partir avant, avant la fin des dédicaces. Qui écoutait. Il y a déjà le clip qui est dispo. Il y a le morceau La Provence aussi, évidemment. Ouais, et sur ça. Twitter aussi, tu as oublié de dire. Twitter, REE 13001. Voilà. Instagram, REE 13001. Voilà, sur Google, tu tapes Révolution Urbaine, ils sortent tous à la fin. Voilà, je pense que pas prendre la tête. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. On passe prendre la tête. Qui est notre deuxième extrait de Cheval de Troie. Et voilà. Ben, on va l'écouter maintenant. On va se quitter nous, mais la nocturne continue encore hein, pendant une bonne heure et demie de son rap français. Merci vraiment d'être passé. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Bon retour sur Marseille, vous saluez toute l'équipe évidemment. Ce sera fait. Et bonne chance pour la Ligue des Champions. Et on se voit je sais pour pas pourquoi j'ai l'impression qu'à Marseille ça c'est devenu une contrée anglaise depuis aujourd'hui. Non. Le PSG il va gagner, c'est bon. Tant mieux pour le. Je vous rappelle qu'il y a plus de Drogba à Chelsea, hein. Il est plus là-bas hein, les gars. Ouais, mais c'est pas grave. C'est... où il part Drogba, on supporte. Il reste son fantôme, c'est ça. C'est ça voilà. Allez qui écoute les Révolutions Urbaines. Merci à vous les gars. Merci à toi. Merci. Cheval de Troie, le 5 mai c'est dans les bacs. Dis-moi qui écoutez. Dis-moi qui écoutez, dis-moi qui me fait douter. Laisse-moi te raconter mes débuts dans la vie.

Est-ce que le bise m'appelle? Juste un album peinard, suis-je une ambiance Wu-Tang? Non, je fais quoi ce matin? J'interviens de personne, car ils sont plusieurs à buter seulement pour 100 pesos. La plupart sont occupés derrière leur vie de mensonge. Pour avoir des vrais amis, fallait que je goûte mes sauces. Oui, la France pète en plomb et s'invite en battle. Soit tu les suis, soit tu les regardes en tant que spectateur. Et les joue qu'avec la peur, donc je fais quoi ma gueule? On se met bien quand on se parle du premier Alcatel. La rage d'aimer Césaire, entraînement des BZ. Tu penses bull, qui passe à couze, on est resté zen. Vas-y zoom, c'est bip bip, demi et puis c'est tout. On donne ça tranquille avant que tout s'écroule. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, jour fragile, mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, jour fragile, mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, du sang tout court. Ça s'arrête pas, on veut se percher autre part. Si on a la côte, dis-moi, c'est qu'on se rapproche de Drogba. Dédié à la Côte d'Ivoire et les pays qui font le poids. On se met en place petit à petit, il faut le croire. Si les PDG montent grave, c'est qu'on se tue au boulot. Juste un milieu de requins où tout le monde travaille sous l'eau. Et si tu rames, c'est bon, ça n'usera pas leur moteur. Donc on remonte les manches sans la paye de Steve Urkel. Bibi, Bibi, tu voulais du sang, je vais te servir, frérot. Demi-portion. Oui, j'avoue que l'on n'a pas en poussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, jour fragile, mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on n'a pas en poussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile, mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Oui, j'avoue que l'on avance. À part la vie, on n'a rien. Haricot de mille. Le combat continue. Le combat continue. Demi-portion dans la nocturne, 100% rap français. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Sadek. Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh, Ramesh. On squatte l'avenue des champs et qu'on enchaîne fête sur fête. Mardanta c'est tête sur tête, 7 sur 7, le même sur veine. T'es lavé, trop de boulettes, taille des sous les coucougnettes. Tout niqué, fuir au bled, devenir un grand poète. Et laisse-les jouer de la mandoline, laisse-les jouer de la harpe. Moi je rappe pour les requins blancs, restant muet comme des cartes. La street, c'est le bordel. Arme soviétique dans le berceau. Quand tu penses à moi, pisse dessus, je suis le petit doigt dans le verre d'eau. Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh, Ramesh. J'en ai rien à foutre du quinté. Je me demande comment niquer les impôts. Je me demande comment fermer le renté. Je me demande comment ouvrir une radio. Je me demande comment faire pour que nos pères soient plus locataires. J'ai des choses à faire. Nique ta mère, toi et tes commentaires. Ramesh, c'est ni aime rien à voir avec ces chiens qui racolent. Une semaine au placard, ils peuvent en parler tout un album. Dites aux groupies qu'elles s'affolent, car bientôt ça va barder. Plus dur c'est pas de prendre le renté, c'est de savoir le garder. Ramesh, Ramesh, Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh, Ramesh, Ramesh. 2014, ma gueule. En attendant, Johnny Neal. Ça va rire. Moi le Nir. Fini de wesh ma gueule. Mohandes, remets de l'huile dans la sulfate trio. Ha. J'rappe pour les blocs et les tests. Ramesh, Nir. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Lomé. Pharaon. Dans la pyramide, motherfucker. 1

Jaguar, j'avais mon 762. Avant mes chèques, se battaient pour des billes. Maintenant on fume pour 2-3 litres en feu. Au régiment, t'avais ton fameux Billy. Et au Jaguar, t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. Chèque 59-243. C'est la nocturne 100% à France et le garçon s'appelle Gradure. Soldat Milly, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Nocturne 100% à France et vient de Roubaix, Gradure. Et on va rester dans le Nord d'ailleurs avec les amateurs et c'est un extrait de leur projet mis à jour maintenant dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Y'a pas de gangsters au RSA, n'est-ce pas mon frère? Les types parlent d'argent, puisqu'ils n'ont pas le les petites s'emballent, elles se prennent toutes pour Kim Kardashian. Même sous les stroboscopes, tu restes une gamine, tu sais. T'es belle, remercie Photoshop ainsi que les cabines du V. Hader, attitude pour des pépettes, des chèques, l'histoire se répète, c'est dead, les mecs sont habitués. Rien à foutre des bisous, bisous, kili, kili, hypocrisie, me file des crises d'épilepsie, remplis ton string et file d'ici la mi. Tu vis ta vie en misant sur des pistes que tu maquilles, des piles et gifles sur ta figure, mec, t'as fait, c'est je sais qui l'a mise. Tu plais pas, tu tapines, tu pèses pas, tu grappilles, tu stresses et tu t'agites, teste pas, casse-toi, l'estrade, reste calme. Qu'est-ce qu'il y a, tu paniques, tu vivais dans un film, j'ai crié coupé, fin tragique. Chez nous, on veut du star. Chez nous, on aime le star. Fais pas l'acteur, joue pas la star. Si tu viens, ramène du star. Pour les frères, on ne donne que du star. Pour les sœurs, on distribue le star. Fais pas l'acteur, joue pas la star. Ici, c'est M-O-M-S-A. Tu dis que t'es comme du macadam. Connu de l'île à Paname, mais le coq fait le canard quand dans les parages y'a madame. En club, c'est bouteille à la table, et tu claques à max. Et dans le frigo, y'a que dalle pour que les gamins d'âme. Tu crois que c'est ça être un homme, dis-moi. Tu crois faire le poids, mais t'es qu'un gnome. Et moi, je laisse tomber car les gens se mélangent. Je les passe en vendant la parole, loin devant, n'importe en plein demi, tombé dans de côté. Ce qui compte, ce que t'as dans le ventre. Génération fake, fausse marque, faux sein, faux ongles, faux air. D'amis, les liens en général sont faibles. Rien de glorieux dans la hagra, des gens plus faibles. Ou quand tu fais le bonhomme parce que tu prends du ferme. Cousine, tu portes le hijab, mais tu t'affiches en talons, en sape, moulant tes regards à guichet. Les valeurs sont bafouées par quelques billes. Je dis ce que je pense, je reste libre. Allez, renvoie-moi ce bête de bille. Chez nous, on veut du star. Chez nous, on aime le star. Fais pas l'acteur, joue pas la star. Si tu viens, ramène du star. Dans mon secteur. Pour les frères, on ne donne que du star. Dans mon secteur. Pour les sœurs, on distribue le star. Dans mon secteur. Fais pas l'acteur, joue pas la star. Ici, c'est M-O-N-S style. Yeah, tu nous connais, on fait du star. Ils font plus tonner aux petits et font du star. Sache que la classe n'est pas dans la salle. Et que le respect se trouve pas quand tu pousses à la salle. C'est pour les vaillants qu'ils assument. Tous ces braves gens qu'on insulte, mais qui gardent la tête haute, toujours terre à terre. Pour ces meufs qu'on caricature, qu'on ne juge que sur l'allure. À ces demoiselles fières, pleines de caractère. Chez nous, on veut du star. Chez nous, on aime le star. C'est pas l'acteur, joue pas la star. Si tu viens, ramène du star. Dans mon 5-9. Pour les frères, on ne donne que du star. Dans mon 5-9. Pour les sœurs, on distribue le star. Dans mon 5-9. Fais pas l'acteur, joue pas la star. Ici, c'est M-O-M-S style. M-O-M-S style. M-O-M-S style. M-O-M-S style. C'est la Nocturne 100% rap français, le rap du Nord. Il y avait Gradure et là c'est les amateurs avec Mise à jour. L'album est dans les bacs. Une pensée, une dédicace à Desidja aussi. Dans la Nocturne 100% rap français. Il y a du son partout, dans toute la France. Envoyez-moi d'ailleurs, fred@skyrock.com. Ici, il n'y a pas de personne pistonnée ou quoi. Si le son est bon, il est diffusé dans la Nocturne 100% rap français. 100% rap français, planète La Nocturne. C'est le cas de Corjo qu'on va écouter maintenant dans la Nocturne. Lui aussi a envoyé son son. fred@skyrock.com. Bonne soirée dans la Nocturne. On va se rapprocher du soleil, donc si tu veux du sale, suis-moi. Quand ça parle d'oseille, ces fils de catin parlent chinois. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. Mais tu fais l'ancien, c'est qu'un aztèque. Je suis hors jeu, je suis hors compète. On ne veut que des billets verts. L'hashtag à la femme hashtag. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. On parle pas, on te blesse vite. Sans mes repas sont dans mon vie. S'il est équipé sur la piste, y'aura le chétan sur la guest list. On en discute autour d'un mafé. Moi quand je vais poser, je vais taper. J'ai niqué Zara, ça c'est MC. J'ai du sang sur le club café. C'est le début de la fin, je songe donc à bifler la planète. Vos mères méritent un coup de rein, j'ai déjà déboutonné ma braquette. Bien parti pour briller, jaune, vert, violet pour les billets. On va les terminer par milliers, à loco, oignon pour les crier. Des démons souriants devant la glace, élèves distraits au fond de la classe. Tu pars bosser, je viens baiser ta tasse. On va pas faire preuve de lâcheté, on va fumer comme au sonar. Je veux voir leur clitoris en HD, je les fais boiter comme Dr. House. On va se rapprocher du soleil, donc si tu veux du sale, suis-moi. Suis-moi. Quand ça parle d'oseille, ces fils de catin parlent chinois. Nous on veut que du jaune vert violet, que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. Mais tu fais l'ancien, c'est qu'un aztèque. Je suis hors jeu, je suis hors compète. On ne veut que des billets verts, verts. L'hashtag à la femme hashtag. Nous on veut que du jaune vert violet, que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. 30 on me, got a 54 backup. He a rapper, he can get his ass wrapped up. We're trying to put the act on, act up. Dress on, I'm a flatty, an act up. He another nigga, if a nigga act up. Hit a nigga, make a nigga get his act up. Win a fourth on the task, getting racks up. Search for a nigga, get a nigga packs off. I'm at the ATM, taking them racks off. Call Steve, finna fuck a little sack off. Downtown, so you know we hit sacks up. Money team, so you know we got the racks up. TTB, so you know my nigga strapped up. I got a hit, so you know I'm hitting stacks up. TTB, so you know my nigga strapped up. I got a hit, so you know I'm hitting stacks up. We in the stool, really fuck with this rap up. Don't get confused, a lot of niggas got passed up. He in the mix, get hit, get wrapped up. Get booked, got a lawyer on backup. Been finessing, so a nigga been sacked up. Rappers on me, make a nigga bitch act up. Just wanna fuck a nigga, just like I'm a racks up. Just wanna fuck a nigga, just like I'm a racks up. On va se rapprocher du soleil, donc si tu veux du sale, suis-moi. Quand ça parle d'oseille, ces fils de catin parlent chinois. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. Mais tu fais l'ancien, c'est qu'un aztèque. J'suis hors jeu, j'suis hors compète. On ne veut que des billets verts. L'hashtag à la femme hashtag. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. J'veux te baiser, pas te faire de bisous. Beaucoup de cara pour les bijoux. Faut que ton rappeur attrape en 6 sous. Dans ton vagin, j'me prends pour 6 sous. Faut que ça rentre dans leur petit fossé. Mon son de la peu fera très bien visser. Rafale de baston sur la portière. La chatte à caraba la sorcière. Violent, puissant, pragmatique. 7-8, c'est la chabi. Switch gang dans le plasma fist. Pour que l'industrie marche magic. Accompagné de gros pirates. Tire faux surtout pas, tu rates. Énervé comme en Irak. Connecté jusqu'à Chirac. L'industrie écarte les bœufs. Je suis le prince des deux. Le flot débarque des cieux comme le tonnerre de Zeus. J'te souhaite la mort au calme, je n'ai aucun regret. J'me fais Zeus au calme et j'commande un que grès. Sweet. Dans l'oreille, écoute si ça qui remet d'accord. Même les sceptiques, j'rappe mieux toutes les deux France de 7-8. On fait du bif. Tinal, on se la pète, on prend de la thune. Mon objectif final, c'est défendre dans le bled sur la lune. On va se rapprocher du soleil, donc si tu veux du sale, suis-moi. Suis-moi. Quand ça parle d'oseille, ces fils de catin parlent chinois. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. Mais tu fais l'ancien, c'est qu'un aztèque. J'suis hors jeu, j'suis hors compète. On ne veut que des billets verts, verts. L'hashtag à la femme hashtag. Nous on veut que du jaune vert violet. Que du jaune vert violet, violet. Que du jaune vert violet. hyper violent. Switch Ken. On est les bêtes. K-E-R-J-O. TTB, tempête.